Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, s'est renseigné de l'état de la construction des projets de l'avenue de Myon assumé par la troupe de choc de la jeunesse Combat de Vitesse. Il a félicité les membres de la troupe de choc pour leur succès et souligné d'achever les travaux avant la journée du soleil et d'assurer la qualité des ouvrages au niveau suprême.